Je sais pas, tous les morceaux que j'écoute quand je suis en train de bosser. Et que toi, tu es en train de faire de la musique et des fois je t'écoute quand je fais ma pause. Quand je suis en pause café. C'est du rock espagnol, rock flamenco. Quisiera enamorar para el dueño de mi vida. Quisiera me enamorar. Culpa. à Sabilos. Encuentro al abandono, es imposible, no te encuentro de verdad, por eso nada cuenta, el mismo yo que ayer, pienso en ti, el mismo yo que ayer, pienso en ti, porque mi vida yo prefiero vivir así. Io su di soli la chitarrista di Ramon Nulla. Salut 76 Dip. Voilà, tu reprends la guitare. Esta bodega, así esta manera, lo que muy depreciado, por eso no te perdono el orar. Esta bodega, así te perdono la culpa. Amor de complementa, amor de mi pasado. Bebe, bebe, bebe, bebe, porque mi vida. Yo la prefiero vivir así. No tiene perdón si me sos a ti. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son santé? C'est pas du gitan ça. Y'a pas de santé chez les gitans. Tu connais pas les gitans toi? No te encuentro de verdad, es imposible, no te encuentro de verdad, lo mismo soy yo, no te encuentro de verdad, es imposible, no te encuentro, por eso ya no me encuentro sin nada, lo mismo yo que yo pienso en ti, porque mi vida yo la aprendí. Il y a un hélicoptère. Il y a un problème aussi, une mitraillette. C'est une mitraillette. Alors là, la coupe box, faut faire attention. Un peu plus sur les pattes, ça lance. Fais gaffe au volume. Bon, attends, je vais te baisser un peu parce que tu m'as niqué l'oreille. Désolé mon grand. Thank you. no tiene la culpa. Cábalo le ven sabana, porque muy despreciado nuestro perdón. Estamos legas, manera, no tiene la culpa. Amor de comprenderla, amor de mi pasado, porque en mi vida no prefiero vivir así. Yo la prefiero vivir así. Non, papa, si. Así, c'est quoi en espagnol? Je sais pas si c'est la bonne gamme, monsieur. Non, il y a une jolie gamme, mais... C'est pas du tout la bonne gamme. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Ça y est, ça revient. Thank you. Salut. Bonne soirée. Ah oui, c'est tu vas travailler, je crois. Hein, si je comprends bien. Bon, alors qui c'est qu'il y a Anon? Ah, oh, je suis avec un mec anonyme.